Radio Sunna vous présente une intervention en direct de Oustaz Abdul Karim Abu Asim. Waffaqahullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد. Nous avions évoqué dans les cours précédents plusieurs événements importants dans la vie du futur messager d'Allah صلى الله عليه وسلم: la mort de ses parents, la mort de son grand-père Abdul Muttalib, son enfance chez les Bani Sa'd, tribu Qaysiyya des Qays Aylan, l'ouverture de la poitrine, son voyage au Shem en compagnie de son oncle et la rencontre du moine Bahira qui reconnut en lui les signes de la prophétie. Dès la mort de Abdul Muttalib, ce fut son oncle Abu Talib qui se chargea de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après recommandation d'Abdul Muttalib. Abu Talib est le frère germain de Abdullah, du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, tous deux ont comme père Abdul Muttalib et comme mère Fatima binti Amr al-Makhzoumiyya. De ce fait, Abu Talib est la personne la plus proche en sang et en lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam après la mort de son grand-père et de ses parents. Mohammed grandit donc avec les siens à la Mecque sous la tutelle de son oncle Abu Talib. Les années passèrent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour aider son oncle et l'alléger, gardait les moutons. Abu Talib était pauvre et avait beaucoup d'enfants et peu de moyens. D'ailleurs, on dit de lui « Kana kathir al-iyal qalil al-mal », c'est-à-dire qu'il avait beaucoup d'enfants ou de personnes à sa charge, bien qu'il était pauvre avec peu d'argent ou peu de moyens. Il envoya donc certains de ses enfants chez Hamza, son frère, afin que ce dernier s'occupe d'eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'instar de tous les prophètes, a été amené à être berger et à garder les moutons. À cet effet, l'imam al-Bukhari rapporte sous le numéro 2262, d'après Abi Hurayra, لَهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمِ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ قَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ. Allah n'a pas suscité un prophète sans qu'il n'ait été amené à garder les moutons. Ses compagnons lui demandèrent: toi aussi? Il répondit: oui, je les gardais et les faisais paître contre quelques qararit. Al-qararit, c'est le pluriel de qirat. Et le qirat, c'est un vingtième de dinar, ou un vingt-deuxième, ou un vingt-quatrième de dinar. Donc il disait, sallallahu alayhi wa sallam, oui, je les gardais et les faisais paître contre quelques qararit pour les gens de la Mecque. De même, nous avions vu aussi que le prophète, alayhi salat wa salam, gardait les moutons alors qu'il était très jeune, à l'âge de 4 ans ou 5 ans, chez les Bani Sa'd. Si tous les prophètes ont eu cette tâche de garder les moutons à un moment de leur vie, c'est qu'il y a une sagesse derrière cela. Des savants ont fait le lien entre le fait de garder les moutons et la tâche dont furent chargés les envoyés de transmettre le message. L'imam al-Nawawi, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit à ce sujet: la sagesse derrière le fait que les prophètes furent chargés de les garder est qu'ils apprennent la modestie et s'habituent à être modestes et humbles. Aussi, afin que leur cœur se purifie par l'isolement. Troisièmement, afin qu'ils apprennent à guider les gens par la guider et à avoir de la compassion envers eux, comme ils apprirent à guider les moutons avec douceur et sagesse. Fin de citation. Par cette tâche, qui peut paraître si dérisoire, voire dévalorisante chez beaucoup de gens, les prophètes purent s'éduquer et acquérir plusieurs qualités dont ils auront besoin pour mener à terme leur mandat prophétique. Ils apprirent par cela la patience, la douceur, l'affection, la compassion, la gestion, l'observation, la vigilance. Toutes ces qualités, ils les mettront au service de la religion d'Allah et de leur communauté. L'imam Ibn Hajar, rahimahullah, tabaraka wa ta'ala, dans son commentaire du Sahih de l'imam al-Bukhari, al-Fath al-Bari, tint des propos similaires à ceux de l'imam al-Nawawi et il ajouta « Cela est plus simple que s'il leur avait été demandé de se munir de ces qualités du jour au lendemain, c'est-à-dire sans être préparé à cela. Et cela du fait qu'ils ont progressivement gagné ces qualités en exerçant la fonction de berger. Les moutons furent choisis spécifiquement en dehors des dromadaires et des vaches du fait qu'ils sont plus faibles que les autres catégories et que leur dispersion est plus fréquente que les autres espèces. Car concernant les camélidés et les bovins, ils peuvent être attachés, contrairement aux ovins. Malgré le fait qu'ils se dispersent assez fréquemment et facilement, ils restent les plus dociles et les plus promptes à obéir. » Fin de citation. Vous pouvez retrouver ce commentaire dans Al-Fath al-Bari, le commentaire du hadith 2262. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, dès son enfance, apprit à gagner sa vie à la sueur de son front. Apprit à ne pas compter sur les gens en mendiant ou en espérant quelques aumônes. Mais il travailla et allégea par cela les charges qui pesaient sur son oncle Abi Talib. Et parmi les moyens de subsistance qui étaient ceux du messager sallallahu alayhi wa sallam, les bénéfices de son commerce. L'imam al-Bukhari, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, rapporte d'après al-Miqdam ibn Ma'di Karib, al-Kindi, que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma akala ahadun ta'aman qattu khayran min an ya'kula min amali yadih. » وَإِنَّ نَبِيَ اللَّهِ دَاوُودَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ. Le hadith qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari sous le numéro 2072. Le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, « Personne ne se nourrit par une chose qui est meilleure que le propre fruit de son travail. Et certes, le prophète d'Allah Daoud, alayhi salam, ne mangeait que du fruit de son travail. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, commença à commercer avec As-Sa'ib ibn As-Sa'ib, un homme juste et honnête. Et c'est à travers l'intégrité du messager sallallahu alayhi wa sallam, sa probité, sa loyauté et son comportement qu'il acquit une notoriété parmi les Mécois. Il fut surnommé As-Sadiq al-Amin, le véridique et le digne de confiance. C'est de là que Khadija bint Khuwaylid, une Qurashiya, radiallahu anha, en regard de ses nobles qualités, décida de commercer avec Mohammed sur la base d'une mandat arabe. C'est-à-dire que Khadija fournissait les fonds et le messager commerçait avec cet argent. Les bénéfices étaient partagés entre deux selon des parts fixées à l'avance. Qui est Khadija bint Khuwaylid, radiallahu tabaraka wa ta'ala? Khadija bint Khuwaylid ibn Asad ibn Abdel Uzza ibn Qusay. Elle est donc une Qurashiya par Qusay ibn Kilab. Ce dernier est le quatrième ascendant de Khadija, c'est en même temps le cinquième ascendant du messager sallallahu alayhi wa sallam. Elle est surnommée At-Tahira, c'est-à-dire la pure, en regard de sa chasteté, sa noblesse et ses nobles qualités. Elle était connue pour être une femme commerçante des plus nobles et des plus riches de Quraysh. Elle remettait ses biens aux commerçants pour les fructifier. Elle touchait en contrepartie un salaire. Il se trouve qu'elle trouva en la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'honnêteté, la probité et la sincérité qui la poussa à commercer avec lui. Donc Khadija radiallahu anha entendit parler de cet homme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et envoya une personne vers lui afin de lui proposer de commercer avec elle en lui donnant une part plus conséquente que ce qu'elle donnait habituellement aux autres qui commerçaient avec elle. Le messager accepta et partit au Shem en compagnie de Maïsara, un servant de Khadija. De retour à la Mecque, Maïsara décrivit l'honnêteté et la probité du messager sallallahu alayhi wa sallam dans les transactions commerciales ainsi que son excellent comportement à travers ce voyage. En plus de la bénédiction et des bénéfices énormes acquis durant ce voyage. Khadija bint Khuwaylid était une femme très convoitée de par sa noblesse et sa richesse, mais elle refusait systématiquement les offres et les demandes de mariage. Elle fut mariée avant cela à deux reprises, la première avec Atiq ibn Aïd al-Makhzoumi et elle enfanta de lui Abdullah et Hind. Puis une seconde fois avec Abi Hala, un hadith des Bani Abdiddar, de son nom Malik ou Zurara, et elle enfanta de lui Hala et Hind, deux garçons, et Zainab. Quant à Hala, un des fils de Khadijata, radiallahu anha, il se convertit à l'islam et participa à la fameuse bataille de Badr et de Uhud selon un avis des savants. D'ailleurs, Al-Hassan, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils de Fatima, rapporte de lui un hadith et dit « Mon oncle maternel m'a rapporté ». Autrement dit, le frère ou le demi-frère de ma mère, car c'était le demi-frère de Fatima. Hala était éloquent et il avait la faculté de décrire les personnes ou les choses de manière éloquente. Wassaf. On rapporte d'ailleurs de lui un hadith sur la description du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il fut un bon musulman et il mourra plus tard après la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille d'El Jamal aux côtés de Ali. Khadijatu radiallahu anha repensa au messager et ses qualités et songea à le demander en mariage. Elle trouva en lui un conjoint exemplaire. Elle se confia donc à son amie Nafisa binti Munia. Et c'est cette dernière qui alla trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui proposer la demande de Khadija. Le messager sallallahu alayhi wa sallam accepta et en parla à ses oncles paternels. Ces derniers partirent trouver l'oncle de Khadija, Amr ibn Asad, comme le rapportait Suhayri dans Rawdul Unuf, d'après Ibn Abbas et Aisha. En effet, c'est l'oncle de Khadija, Amr ibn Asad, qui la maria, et non son père, Khuwaylid, qui était déjà mort avant la conclusion de ce mariage. Le mariage fut conclu. Assista au contrat de mariage les Bani Hashim et les grands chefs de Moudar. Mariage qui fut conclu 2 mois après le retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam du Shem. Le prophète lui donna en dot 20 jeunes chamelles et, selon Ibn Faris, 12 ouqiyas, qui correspond à 500 dirhams. Les savants joignent les deux narrations en disant que 500 dirhams équivaut à peu près à 20 jeunes chamelles, en termes de prix et en termes de valeur. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se maria avec elle, avait 25 ans, alors qu'elle en avait 40 selon l'avis le plus juste. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam résida chez Khadija et c'est dans cette maison que les enfants du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam naîtront et c'est dans cette maison qu'elle décédera plus tard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se remariera pas avec une autre femme jusqu'à la mort de Khadija et habitera cette maison jusqu'à ce qu'il émigrera vers Médine. C'est Aqil ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui reprendra cette maison par la suite. Il est aussi bon à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se maria qu'avec seulement 2 femmes de la descendance de Qusay. Khadijatu bint Khuwaylid et Umm Habiba Ramla bint Abi Sufyan. La deuxième, des Bani Abdi Shams. Quelles sont les leçons à tirer de ce mariage? Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était renseigné sur Khadija avant de se marier avec elle, afin de s'assurer des bonnes mœurs de cette femme. C'est ainsi que toute personne désirant se marier doit chercher chez son futur conjoint les qualités qu'Allah jalla jalalu aime et agrée, comme la sincérité, la loyauté, la pudeur, la patience, etc. Deuxièmement, les mérites de Khadija, radiallahu anha. Elle a recherché aussi la bonne moralité de son époux, et ses excellents traits de caractère. Et ceci en dit long sur la moralité de cette femme extraordinaire. Troisièmement, l'épouse pieuse est d'une aide précieuse dans les grandes difficultés, comme nous le verrons dans les prochains cours, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala. Khadijatu radiallahu anha fut une femme comblée avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Elle enfanta de lui 6 enfants, 4 filles et 2 garçons. Tous les enfants du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam furent issus de cette union, sauf Ibrahim, qui est le fils de Maria al-Qibtiyya, que le gouverneur d'Égypte al-Muqawqis offrit au prophète alayhi salat wa salam après la bataille de Khaybar en l'an 8 de l'Hégire. Les enfants du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija sont dans l'ordre. Comme l'a signalé Mus'ab az-Zubayri, le grand savant généalogiste, Al-Qasim, Zaynab, qui est la plus grande des filles du prophète, alayhi wa sallam, et qui est la femme de Abu al-As ibn Rabi'a. Pour information, Abu al-As ibn Rabi'a est le neveu de Khadija, c'est-à-dire le fils de la sœur de Khadija. Puis Ruqayya, qui se mariera avec Uthman ibn Affan, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Puis Kulthum, qui sera aussi la femme de Uthman ibn Affan, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, après que sa grande sœur Ruqayya décéda suite à la bataille de Badr. Puis Fatima, qui se mariera avec Ali, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, et qui est la plus jeune des filles du prophète, alayhi salatu wa salam. Et enfin, Abdullah, qu'on surnommera At-Tayyib At-Tahir. Il est né après la prophétie, comme le souligne Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad. C'est le seul enfant qui est né après que le prophète, alayhi salatu wa salam, eut reçu la révélation. Les deux garçons moururent en bas âge. Toutes les filles, quant à elles, ont vécu la prophétie et ont émigré. Elles sont toutes mortes avant le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sauf Fatima, qui décéda 6 mois après la mort de son père, sallallahu alayhi wa sallam. La question qui se pose ici est, quelle est la sagesse derrière le fait que tous les garçons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sont morts en bas âge? Muhammad Abu Shuhba, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit dans son livre As-Siratun Nabawiyya fi Dha'il Kitab wa Sunnah ce qui suit. À partir de là, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam goûta l'amertume de la perte de ses deux fils, comme il goûta avant cela l'amertume de la perte de ses deux parents. Allah a voulu, et c'est lui qui détient la sagesse absolue, qu'aucun mâle de sa descendance ne vive afin qu'ils ne soient pas une cause d'égarement chez les gens, prétendant qu'ils sont prophètes. Ceci aurait pu arriver après la mort du prophète si le prophète avait eu des enfants. Mâles, certaines personnes au cœur malade auraient pu déclarer que les enfants du prophète sont des prophètes à part entière. Et ceci est une cause d'égarement, bien évidemment. Je reprends les paroles de Mohammed Abu Shuhba. Allah lui donna des garçons afin de parfaire sa saine nature et afin de combler les besoins de la nature humaine. Cela aussi, afin que toute personne le haïssant ne puisse intenter à la pleine virilité du messager, sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'il forge des mensonges sur lui, en disant par exemple que Mohammed ne peut enfanter des garçons, ou alors qu'il est maudit, ou alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne l'aime pas du fait qu'il n'a pas de garçons. Autant de mensonges qui pourrait être attribué au prophète alayhi salatu wa salam ou intenté contre le prophète alayhi salatu wa salam. Allah lui donna donc des garçons, puis les reprit alors qu'ils étaient tout petits. Et cela est une forme de consolation pour toute personne à qui Allah n'a pas donné de fils, ou celui qui eut des fils mais qui moururent en bas âge. Et enfin, il y a dans cela une forme d'épreuve. Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent dans la vertu. Il y avait parmi les faibles d'esprit, parmi les idolâtres et les polythéistes, celui qui disait du messager, il est aptar, c'est-à-dire sans descendance mâle. Et c'est pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala révéla la sourate, Inna a'tainaka al-kawthar, fassalli rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. Certes, nous t'avons donné le kawthar, prie pour ton Seigneur et sacrifie, certes, celui qui te déteste sera sans postérité. Ceci, lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, avait vécu la mort de son premier fils, Al-Qasim, puis qu'ensuite, il eut 4 filles d'affilée, alors les mauvaises langues se sont mirent à parler à la Mecque, en disant que Mohammed était tronqué dans sa descendance, ou alors qu'il serait sans postérité mâle, qu'il était maudit. Et ceci était une forme de discrédit de la prédication du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a derrière tout cela, bien sûr, une sagesse divine. En réalité, comme le souligne Allah tabaraka wa ta'ala à travers ce verset, toute personne qui déteste et qui a en aversion le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sera celui-là qui sera sans postérité, c'est-à-dire sans mention honorable dans les générations postérieures. Allah jalla jalalu voulut que le cœur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se consacre exclusivement à l'amour d'Allah afin qu'il soit dans la pleine et parfaite servitude vis-à-vis de son Seigneur et que son cœur ne soit pas attaché à des proches, qu'ils soient fils ou pères. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ونسأله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.